Bonjour Chris. Bonjour. Ça fait longtemps que je te suis. Et souvent dans tes récits, il est question de conflits, qu'ils soient intimes, intérieurs ou alors d'ampleur nationale. Ah, tiens, j'avais pas réfléchi à cet angle-là. On va peut-être dire que tout simplement le conflit est générateur de récits en général. Qui dit conflit dit souvent drame, dit des fois résolution du conflit avec pas mal d'espoir. C'est vrai qu'en général, j'essaye toujours qu'il y ait quand même une note d'espoir, même dans les situations les plus sombres. C'était le cas pour les ensembles contraires. C'était le cas malgré tout dans Coupures irlandaises, même si ça terminait quand même de façon très noire. Voilà, l'humanité était quand même présente. C'était évidemment surtout vrai dans Un homme est mort. Ça ne sera sans doute pas le cas dans Notre mère la guerre. Je préfère le préciser tout de suite. Cette fois, tu utilises le triptyque. Est-ce que l'écriture n'a pas été ou n'est pas trop difficile ? Ben en fait, c'était pas du tout prévu en plus comme un triptyque au départ, c'est prévu comme un diptyque. Mais bon, fidèle à mes habitudes, j'écris jamais rien totalement avant. Donc au fur et à mesure du récit avec Maëlle, on s'est rendu compte qu'on avait quand même de la matière vraiment pour raconter plus. Surtout, ça avait un intérêt dans le récit. Et c'est à la page 40 ou 41, si je dis pas de bêtises, du tome 1 qui devait en compter 76, qu'on s'est dit, mais finalement, on va faire 3 tomes. Donc il a fallu les 3 tomes de 62 pages et non pas 2 fois 76. On est arrivé au même point final du récit dans le tome 1. Mais il y a des scènes qu'on a enlevées, qu'on passer dans le tome 2, etc. Bref, ça a obligé à remodeler un peu la construction du récit. Pas le changer foncièrement, c'est juste qu'on avait plus de place et de temps pour les personnages, ce qui nous importe de toute façon tous les deux.